Merci à toi le violoniste qui ce matin s'était perdu au coin de la gare d'Austerlitz. Trois coups de crin, j'ai entendu. J'ai cru l'affaire impossible. J'étais d'une humeur irascible lorsque tes notes m'ont croisé. Merci à toi le trompettiste qui ce matin m'a apporté sur un beau plateau fantaisiste l'envie de rien, juste de danser. J'étais un bon parisien, lassé d'être un citadin lorsque tes notes m'ont touché. Merci à toi le percussionniste de rythmer mon quotidien. Merci à toi le spécialiste de gommeuse qui sert à rien. J'ai le sourire le matin, envie de vivre l'épicurien. Trois notes de zik et je me sens bien. Merci à toi l'accordéoniste de faire valser mon vague à l'âme. Trop de pensées réalistes tapissent mon cœur de macadam. J'étais maussade comme Paname, il faisait bien froid dans cette rame lorsque tes notes m'ont chauffé. Merci à toi le guitariste de gratter au fond de moi l'envie d'être un anarchiste, un révolté, un paria. J'ai plus envie qu'on me confonde avec tous ces gens qui se fondent dans un de ces mondes où l'on ne rit pas. Merci à vous tous les artistes, du comédien au graffitiste. Merci à vous les oniristes qui sonnez la fin des jours tristes. Le bonheur s'écrit en quatrain ou sous les notes des musiciens sonne le rêve du genre humain.